Oh, t'es compositeur, je fais vibrer les boomers, je décompose tous mes mouvements, je fais vu tout doucement, je m'accorde à la mélodie, je donne un visu le tempo, je maîtrise la technique, y compris l'acoustique. T'as vu comment on rappe sur le mic, microphone. T'as vu comment on rappe sur le mic, microphone. T'as vu comment on rappe sur le mic, microphone. T'as vu comment on rappe sur le mic, microphone. Yo yo, c'est Funky Fix, il fait de la place dans les boîtes. C'est Funky Fix qui débarque, j'ai fait péter les boîtes. C'est what? Le son des boîtes quand je débarque sur le mic, yeah. Dans toutes les boîtes de Paname, c'est un truc de ouf qui déboîte pour les dames. Hey DJ, pousse les boîtes. C'est what? Pousse les boîtes. T'as vu comment on rappe sur le mic, microphone. T'as vu comment on rappe sur le mic, microphone. T'as vu comment on rappe sur le mic, microphone. T'as vu comment on rappe sur le mic, microphone. J'm'instruis puis j't'informe, mon son est hors norme. Hip-hop électronique, j'fais évoluer la musique. Mes textes sont logiques, si tu comprends pas, ouvert les lexiques. J'arrive et j'attaque comme une droite au préctique. C'est le son de l'anthrax, si tu comprends pas, c'est la version de luxe. Pas besoin de passer à l'antenne, pour le métal interne. J'arrive, j'défonce tout, moi le petit bap tout. T'as vu comment on rappe sur le mic, microphone. T'as vu comment on rappe sur le mic, microphone. T'as vu comment on rappe sur le mic, microphone. T'as vu comment on rappe sur le mic, microphone. Autour du rap, le seul, le vrai, l'unique, celui qui a la technique, le mental, ça fait mal, c'est douloureux. C'est tout lourd pour les dalles et enfoiré, ça vient du 9-2. Trop de phases, trop de blast, trop de paille, trop de mecs qui veulent test dans le peurat. Trop de chanteurs d'opéra, d'opérette, trop de mecs qui se la pètent mais qui savent pas chanter.